السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الكرام، فإنه يسرني أن أجلس مع إخوة لي في الله كرماء وأعزة من هذه المدينة تنو، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الجلسات مباركة خالصة لوجه الكريم. Après avoir loué Allah subhanahu wa ta'ala, prié sur son noble prophète et messager Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam, je disais que je suis très heureux d'être ici parmi vous dans la ville de Tonon pour ce séminaire de deux jours. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala que ces heures passées soient sincèrement à la recherche de son noble visage subhanahu wa ta'ala, et qu'il nous récompense tous pour cette assise à la recherche de son agrément, insha'Allahu ta'ala. Amma al-mawdu' fa hiya manzouma li shaykh al-allama al-mufassir al-usuli rahimahullahu ta'ala Abdirrahman ibn Nasir ibn Sa'di rahimahullahu ta'ala. Wa hiya aw ismu al-manzouma as-sayru ila Allah, as-sayru إلى الله والدار الآخرة. Le sujet de notre étude sera un poème du grand savant, le grand savant de l'exégèse du Coran, le grand savant du tafsir, Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah ta'ala. Et le nom de ce poème qu'on étudiera insha'Allah ta'ala est As-Sayru ila Allah wad-dar al-akhirah, l'acheminement vers Allah et la demeure dernière, la demeure de l'au-delà. Al-Shaykh rahimahullah ta'ala a écrit ce poème alors qu'il était très jeune. Il avait aux alentours de 26 ans, rahimahullah ta'ala. Et pour l'explication, elle est prise de sa propre explication, car le cheikh lui-même a mis des annotations sur ce poème et a expliqué ce poème de manière résumée. Par la suite, des savants pareillement ont expliqué ce poème, et j'ai tiré profit de l'explication de cheikh Abdurrazzaq Al-Badr Hafidhahullahu Ta'ala, en plus des explications de l'auteur lui-même. Wabillahi التوفيق. Nous allons commencer la lecture du poème et mentionner l'explication de chacun des vers le composant. Al-Shaykh rahimahullah ta'ala commence en disant: Sa'ida alladhi natajannabu subul ar-rada wa tayammamu li manazil ar-ridwan. Al-Shaykh commence en disant Sa'id alladhi natajannabu subul ar-rada. Bienheureux sont ceux qui évitent les chemins du mal, les chemins destructeurs. Wa tayammamu li manazil ar-ridwan. avec pour intention d'atteindre les stations de l'agrément, les degrés de l'agrément. Dans ce poème, l'auteur rahimahullah ta'ala nous mentionne le chemin de ceux qui cherchent l'agrément d'Allah, le chemin de ceux qui réussissent dans ce bas monde, donc qui réussiront dans l'au-delà. Ces derniers passent par de nombreuses étapes dans l'adoration d'Allah, dans la servitude, de nombreux états du cœur, de nombreuses paroles, de nombreuses actions. Et ici, l'auteur a voulu nous résumer, nous donner un plan qui va nous permettre de reconnaître qui sont ces gens qui ont suivi le chemin d'Allah Azza wa Jal, qui atteindront l'agrément d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Quelles sont leurs caractéristiques afin de pouvoir emprunter le même chemin qu'eux? Et nombreux sont les savants qui ont écrit dans ce sujet les provisions qui mènent à l'agrément d'Allah Azza wa Jal et le chemin à suivre pour l'atteindre et les stations et les degrés par lesquels il nous faut passer pour être élevés vers cet agrément. Et parmi ceux qui ont écrit dans ce sujet, il y a le grand savant Muhammad ibn Abi Bakr ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah ta'ala. Le grand savant Ibn al-Qayyim a écrit dans ce sujet, dans son livre Madarij al-Salikin, il a mentionné de nombreux degrés, de nombreuses stations par lesquelles passent ces gens pieux, ces gens qui recherchent l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les prophètes qui nous sont venus, tous les messagers qui ont été envoyés, sont venus pour nous appeler à adorer Allah seul d'un culte sincère. Allah nous dit dans le Coran, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا ou plutôt وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ. Dans sourate Al-Anbiya, Allah nous dit, et nous n'avons pas envoyé avant toi de messager si ce n'est en lui révélant, nulle divinité n'est réellement digne d'être adorée, adorez-moi donc. Et dans sourate Al-Nahl, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَجَتَنِبُوا الطَّاغُوتِ. Et nous avons envoyé dans chaque communauté pour leur dire n'adorez un messager, pour leur dire n'adorez qu'Allah et éloignez-vous de ceux qui adoraient en dehors de lui. Et pour ce faire, ils nous ont appelés à trois points majeurs. Ils sont tous venus avec cela. La première chose, c'est التعريف بالمعبود. Ils nous ont fait connaître celui qu'on doit adorer. Ils nous ont fait connaître Allah à travers la mention de ses noms, à travers la mention de ses attributs, de ses actions. Ils nous ont appelés, ils nous ont invités à connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est la science la plus noble. Connaître Allah tabaraka wa ta'ala, le Créateur, le Seigneur des mondes. Le deuxième point, bayanu tariqi al-mousilati ila Allah. Ils nous ont enseigné le chemin menant à Allah. Le chemin qui, si nous l'empruntons, on atteindra, incha'Allah, l'agrément d'Allah. Et ça, c'est la religion de l'islam. Ce chemin-là, et la religion de l'islam qu'Allah a légiféré pour ses serviteurs. Inna ad-din 'indallahi al-islam. La troisième base commune, abayanu ma a'adda Allah fi ad-dar al-akhirah. Ce qu'Allah a préparé pour ses serviteurs dans l'au-delà. Ceux qui lui obéissent, un paradis vaste comme les cieux et la terre. Ceux qui lui désobéissent, un feu ardent. Fa nas'alu Allah al-jannah. ونعوذ بالله من النار. Et l'auteur a mentionné ici ces points-là. L'auteur ou un nazim a mentionné ici ces points-là. Non pas que ce qu'a cité ici Ibn Sa'd rahimahullah ta'ala est une liste exhaustive, mais il a cité et il a résumé, il a cité les points principaux et il a résumé les points les plus importants. Ibn Sa'd rahimahullah ta'ala nous dit: wa'lam anna al-maqsuda min al-'abd 'ibadat Allah wa ma'rifatahu ومحبته والإنابة إليه على الدوام وسلوك الطريق التي توصله إلى دار السلام. Ibn Sa'd nous dit dans l'explication: وَعْلَمْ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الْعَبْدِ. Sache que le but du serviteur est عبادة الله ومعرفته ومحبته والإنابة إليه والدوام ou à la dawam wa suluk at-tariq allati tusilu ila dar as-salam. Le but du serviteur est l'adoration d'Allah. Sa connaissance, son amour, le fait de retourner vers lui constamment et d'emprunter le chemin qui nous mène à la demeure de la paix, à la demeure du salut. Wa akthar an-nas ghalaba alayhim al-hiss وملكتهم الشهوات والعادات فلم يرفعوا بهذا الأمر رأسا. Mais la plupart des gens ont été battus par ce qui est perceptible, par cette vie éphémère, et ils ont été possédés par leurs passions, par leurs habitudes, et n'ont accordé aucune importance à l'adoration. Ils se sont contentés de rester dans leurs besoins mondains et ils n'ont pas cherché à savoir le but ultime de leur vie. Ils sont dans l'ignorance, dans l'insouciance. Ils ont oublié Allah, alors Allah les a oubliés. Ils ne se sont point réveillés de ce sommeil profond de ce malheur, ne s'est point réveillé, si ce n'est une minorité parmi les gens doués d'intelligence. Ils ont su, ces derniers ont su, que la grande perte résidait dans le fait de se détourner, dans le fait de se détourner de ce pourquoi Allah Azza wa Jal elle les avait créés. J'ai donc résumé ici la parole d'Ibn Sa'd rahimahullah ta'ala. La première étape, lorsque la personne suit le chemin qui mène vers Allah, c'est de se réveiller. Se réveiller telle la personne qui était dans un coma profond, qui vivait dans ce bas monde sans se soucier de ce qu'Allah veut de lui, sans apprendre à connaître Allah, apprendre à connaître le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, apprendre l'islam qui nous permet d'atteindre Allah. Ces gens-là sont dans un coma profond. Et la première étape, c'est qu'ils se réveillent. Ils sortent de leur insouciance et désormais, ils veulent connaître Allah. Ils veulent adorer Allah. Ils veulent emprunter le chemin qui mène à l'agrément d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc l'auteur nous dit, et dans une version, il commence par « Bismillah ar-Rahman ar-Rahim » سعد الذين تجنبوا سبل الردى. Bienheureux sont ceux qui se sont éloignés des sentiers destructeurs, des sentiers du mal. Puis il nous dit وتيمموا أي قصدوا لمنازل الرضوان. Ici c'est le résumé du comportement de ces gens qui empruntent le chemin de l'agrément d'Allah. Ça réside dans deux points. Le premier point, il s'éloigne du mal. Il s'éloigne du chemin menant au mal. Et le deuxième point, il vise les degrés de l'agrément, c'est-à-dire les choses qui mènent à l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voici le résumé du poème. Et toute la suite est le détail de ce premier vers. Donc la base de leur chemin, c'est délaisser le mal. C'est délaisser le mal. Et la tête du mal, c'est shirk billah. C'est le fait de donner un égal à Allah alors que c'est lui qui nous a créés. La tête du mal, c'est le fait de faire ressembler Allah à ses créatures. La tête du mal, c'est de prendre le droit d'Allah, l'adoration, et de l'attribuer à sa créature. Allah nous dit dans le Coran, « Inna shirka la zulmun azim » Certes, le polythéisme, certes le shirk, est une énorme injustice. Et le shirk, c'est le fait de donner un égal à Allah dans ce qui lui revient de droit. Le shirk, c'est le fait de prendre une adoration et de la donner à notre qu'Allah. Allah nous dit au sujet du shirk dans le Coran, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé que ce soit. En dessous de cela, il pardonne à qui il veut. Un shirk, c'est le fait de rendre égal la créature faible au créateur puissant. Un shirk, c'est le seul péché qu'Allah ne pardonne pas si ce n'est avec le repentir. Un shirk, c'est le péché qui interdit l'entrée au paradis. Innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma liz-zalimin min ansar. Certes, celui qui commet le shirk, Allah lui interdit l'entrée au paradis. Le paradis pour lui, il est haram. Sa demeure sera l'enfer et pour les injustes, nul secoureur. Les gens de ce chemin-là, de l'agrément d'Allah, ils se sont éloignés de tout le mal. En premier lieu, ils se sont éloignés du shirk. Ils se sont éloignés des innovations. C'est ce qui contredit le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit dans le Coran, « Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum, wa la tattabi'u min dunihi awliya, wa yaqul wa ma aataakum ar-rasul fakhudhuhu, wa ma nahakum anhu fantahu. » Et ce que le message d'Allah vous donne, prenez-le, et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Suivez ce qui vous a été révélé de la part de votre Seigneur et ne suivez pas en dehors de lui d'autres zadiqés, d'autres protecteurs. Donc il faut s'éloigner du shirk qui contredit le droit d'Allah. Il faut s'éloigner de l'innovation qui contredit le droit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils se sont éloignés aussi des grands péchés. Ils se sont éloignés des mauvais comportements. Ils se sont éloignés du mal de manière générale. À l'inverse, ils ont visé, ou au même moment, ils ont visé l'imanazil ridwan, les stations de l'agrément, c'est-à-dire les actions qui mènent à l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et remarquez ici que Ibn Sa'di nous dit Sa'id al-ladhina tajannabu subul ar-rada, les sentiers, il les a mentionnés au pluriel. Parce que les chemins de l'égarement, les chemins du mal sont multiples et nombreux. Ils sont multiples et ils sont nombreux. Donc le serviteur doit étudier le mal afin de pouvoir s'en prémunir, s'en éloigner. Hudhayfah ibn al-Yaman radiyallahu anhu disait « Kana an-nasu yas'aluna Rasulallahi 'anil khayr wa kuntu as'aluhu 'anil sharr makhafatan an yudrikani dhalik » Hudhayfa, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, disait, les gens interrogeaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le bien. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait entrer au paradis? Et moi, je le questionnais sur le mal. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait entrer en enfer? De peur que cela ne m'atteigne. De peur que cela ne m'atteigne. Donc, le serviteur, il doit étudier le bien pour le faire. Mais il doit étudier aussi le mal pour s'en protéger, pour s'en prémunir. Car celui qui ne connaît pas et ne distingue pas entre le mal et le bien, il tombera dans le mal, même sans le savoir. Même sans le savoir. Et dans ce premier vers, il y a une grande règle qui est At-tahliya thumma at-tahliya, ou bien tasfiya wa at-tarbiya. La purification, l'épuration, puis l'éducation et le remplissage. Le vidage, puis le remplissage. Le vidage de tout le mal. Le remplissage de tout le bien. L'épuration, le vidage, la purification, c'est-à-dire on enlève le mal, les mauvaises caractéristiques, les péchés, les défauts du cœur, on se corrige, on se purifie. Puis l'éducation sur le Coran, sur la Sunna, et l'éducation sur le bien. Ça, c'est une grande base qu'il nous faut connaître. Et manazil al-ridwan, c'est-à-dire les actions qui amènent à recevoir, à obtenir, à être honoré par l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa ridwanun min Allahi akbar. Et ceci est un des plus grands buts. Ibn Sa'di nous dit tajannabu turuq ash-shaytan wa qasadu 'ibadat ar-rahman. Ils se sont éloignés des chemins du diable et ont visé l'adoration du tout miséricordieux. Ils se sont éloignés du chemin du jahim, de l'enfer, et ont visé turuq an-na'im, les chemins des délices. Ils ont délaissé as-sayyi'at, les péchés, et ils ont agi pour obtenir al-hasanat, les bonnes actions. Ils ont purifié leur cœur, leur langue, leurs membres des péchés et des choses détestables. Et ils ont mis leur temps dans ce qui leur est profitable, les hasanat, les choses obligatoires et les choses recommandées. Donc, le bonheur ne peut s'acquérir, s'obtenir, si ce n'est en s'éloignant du mal. Celui qui ne s'éloigne pas du mal, même s'il fait du bien, il n'obtiendra jamais la tranquillité réelle, le bonheur. Dans le second vers, Ibn Sa'd rahimahullah ta'ala nous dit فَهُمُ الَّذِينَ أَخْلَصُوا فِي مَشْيِهِمْ مُتَشَرِّعِينَ بِشِرْعَةِ الْإِيمَانِ. Car ils sont certes ceux qui avancent avec la sincérité. Ils avancent vers Allah, ils avancent vers l'au-delà avec l'ikhlas, la sincérité. Mutasharri'ina bi shir'ati al-imani. Suivant, se dotant, prenant pour règle la législation de la foi. C'est-à-dire ce avec quoi nous est venu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ici, l'auteur, dans ce deuxième vers, a uni entre les deux conditions de l'acceptation des actes d'adoration chez Allah. Celui qui fait un acte d'adoration, pour qu'il soit accepté chez Allah, il y a deux conditions. Al-ikhlas, lil-ma'bud, être sincère envers celui qu'on adore. Et la deuxième condition, al-mutaba'atu lil-rasoul, le suivi du messager sallallahu alayhi wa sallam. Al-ikhlas, la sincérité, c'est tasfiyatul qalb bi salih an-niyya min jami'i shawa'ib ash-shirk war-riya. Al-Hafidh al-Hakimi rahimahullah ta'ala dit que la sincérité, c'est le fait de purifier le cœur avec une bonne intention, le fait de purifier le cœur de tout ce qui vient entacher sa pureté, comme le shirk, l'ostentation et d'autres maladies. La sincérité, c'est faire l'acte que pour Allah. Allah nous dit dans le Coran وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةَ. Il nous dit également أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصِ. Il nous dit également يَا أَيُّهَا النَّاسُ اُعْبُدُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Il nous dit également « Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ». C'est toi seul que nous adorons et auprès de toi seul que nous recherchons l'aide. N'est-ce pas Allah qui appartient à la religion pure? Il ne leur a cependant été ordonné que d'adorer Allah d'un culte sincère, de s'acquitter de la prière, de s'acquitter, d'accomplir la prière, de s'acquitter de la zakat. Voici la religion droite. Al-ikhlas, c'est le message principal de l'islam. Tous les messagers sont venus avec ce message-là. Appeler les gens à adorer Allah seul d'un culte sincère. Un jour, le prophète, alayhi salatu wassalam, était sur sa monture et avait derrière lui en croupe Mu'ad. Et il lui a dit, « Ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi ala al-ibadi wa ma haqqul ibadi ala Allah ?»« Qultu Allah wa rasuluhu a'lam »« Qala haqqullahi ala al-ibad أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا حق الله، هذا حق الله الأعظم. Un jour, Mu'adh était en groupe derrière le prophète عليه الصلاة والسلام, donc sur sa monture, le prophète عليه الصلاة والسلام dit: Ô Mu'adh, sais-tu quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs et quel est le droit des serviteurs sur Allah? Je répondis: Allah et son messager sont plus savants. Et lui de me dire: le droit d'Allah sur ses serviteurs est qu'il l'adore sans jamais rien lui associer. Il l'adore avec l'ikhlas. Il l'adore avec l'ikhlas, avec le tawhid. Ça, c'est la première condition pour qu'Allah accepte l'œuvre du serviteur. La deuxième condition, le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit, comme c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, « Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd. » Ay mardoudun ala sahibi. وفي رواية لمسلم عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الله لا يتقبل منه لأنه لم يتبع المبعوث رحمة للعالمين سيد ولد آدم أجمعين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Le prophète عليه الصلاة والسلام nous dit: celui qui fait une action qui n'est pas en conformité avec notre ordre, notre religion, notre voie, son action sera rejetée. Allah ne l'accepte pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas adoré Allah comme Allah l'a voulu de lui. Nahnu ibad. Nous sommes des serviteurs d'Allah. Le serviteur, il obéit à son maître. Le serviteur, il ne fait pas comme il l'entend lui, comme il veut lui. Dans la religion de son maître, Allah, le serviteur, il se soumet à une divinité unique, le Seigneur des mondes, Allah. Donc il œuvre comme son maître veut. Et Allah nous a montré, nous a orienté, nous a éduqué, nous a appris comment il voulait être adoré. Le el-wudu, on doit le faire d'une façon précise. La salat, on doit la faire d'une manière précise. Priez comme vous m'avez vu prier. Priez comme vous m'avez vu prier, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Prenez de moi vos rites, apprenez de moi vos rites. Chaque adoration, on doit demander comment le prophète alayhi salatu wa sallam l'a faite pour faire exactement comme lui. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Vous avez un parfait exemple à suivre en la personne du messager d'Allah. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Pour celui qui espère en Allah. Donc, on doit suivre le prophète عليه الصلاة والسلام. Et on doit s'éloigner de toute innovation. Il ne faut pas ajouter à la religion. Parce que la religion, elle est parfaite. La religion, elle est complète. Celui qui ramène une innovation et qui veut se rapprocher d'Allah à travers celle-ci, c'est comme s'il avait accusé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'avoir trahi le message, d'avoir caché une partie du message. Pourquoi? Parce qu'Allah nous dit dans le Coran: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum l'islam adina. Aujourd'hui, j'ai complété votre religion. J'ai pas achevé votre religion. Accomplis sur vous mon bienfait, agréé comme une religion pour vous l'islam. L'imam Malik ibn Anas rahimahullah ta'ala, imam Dar al-Hijra, kana yaqul ba'da yani tafsiran li hadhihi al-aya: man za'ama anna Muhammadan aw man za'ama anna fil islam bid'atan hasana فقد زعم أن محمدا خان الرسالة لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما لم يكن يومئذ دينا لن يكون دينا. L'imam Malik disait: ceux qui ne faisaient pas partie de la religion hier n'en fera pas partie aujourd'hui. Car Allah complétait la religion. Celui qui prétend qu'en islam il y a une bonne innovation aura accusé Mohammed d'avoir trahi le message. Parce que la religion est complète. Quand une chose est complète, si tu ajoutes, ça l'embellit pas, ça ne l'améliore pas, ça ne fait que la dénaturer et diminuer de sa perfection. Et cet islam, il est rayonnant et personne ne peut l'éteindre. Cet islam est parfait, complet. Personne ne peut lui enlever de sa splendeur. Notre rôle à nous est de l'étudier, de le connaître, de l'appliquer, de le propager, de le transmettre, comme le prophète alayhi salatu wassalam nous l'a transmis. Sans ajouter, sans diminuer, sans exagérer. Allah nous a interdit l'exagération dans le Coran. La taghlou fi dinikum. N'exagérez pas dans votre religion. Le prophète alayhi salatu wassalam dit halaka al-mutanatti'un qalaha thalathan. Prophète a dit périront ceux qui exagèrent dans les adorations, périront ceux qui dépassent les limites. L'islam c'est la religion du juste milieu. Et le juste milieu se trouve dans l'islam. L'islam c'est la religion du juste milieu et le juste milieu consiste à suivre la voie du prophète alayhi salatu wassalam, pas agir de notre propre chef. Abdullah ibn Saoud disait ittabi'u وَلَا تَبْتَدِعُوا. Suivez, Abdullah ibn Saoud disait, suivez et n'innovez pas. فَقَدْ كُفِيتُمْ. Ce que vous avez vous suffit. إِنَّا نَقْتَدِي وَلَا نَبْتَدِي وَنَتَّبِعْ وَلَا نَبْتَدِعْ. Il disait également, nous on suit et on ne commence pas ce qu'a pas fait le prophète sallam. Nous sommes des suiveurs du prophète alayhi salatu wassalam. Être un suiveur du bien, c'est mieux qu'être une tête de l'égarement. Donc, il faut s'accrocher à la sunna. Il faut apprendre ce qu'est la sunna du prophète sallam. Il faut faire comme lui. Quand tu fais le wudu, demande comment a fait le wudu le prophète sallam. Quand tu fais salat, demande. Ne dis pas je suis grand et je connais et non, tu dois apprendre comme le prophète m'a fait, tu dois corriger. Et il n'y a pas d'âge pour apprendre ni pour se corriger. Wala hawla wala quwwata illa billah. Celui qui agit sincèrement pour Allah et en conformité avec la sunna du prophète, Allah accepte son acte d'adoration. Dans le cas contraire, Allah le rejette. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Celui donc qui espère la rencontre d'avec son Seigneur, qu'il fasse des œuvres pieuses et n'associe personne dans le culte à son Seigneur. Ici, on a réuni les deux conditions, le suivi du prophète sallam et la sincérité envers Allah. Le troisième, dans le troisième vers, l'auteur Al-Nazim nous dit وَهُمُ الَّذِينَ بَنَوْا مَنَازِلَ سَيْرِهِمْ بَيْنَ الرَّجَى وَالْخَوْفِ لِلدَّيَّانِ. Dans le troisième vers, il nous mentionne des piliers de l'adoration, ce sur quoi chaque adoration doit reposer. Et les piliers de l'adoration, ce sont des actes du cœur. Ce sont des actes du cœur. Les piliers de l'adoration sont nombreux de trois : l'amour, la crainte et l'espoir. Chaque adoration doit reposer sur cela. Tu fais une adoration par amour pour Allah. Tu fais une adoration en espérant la récompense chez Allah et son acceptation, son agrément. Tu fais une adoration et tu as peur qu'Allah ne l'accepte pas. Chaque adoration, ça doit être ainsi. L'amour, la crainte et l'espoir. Dans ce troisième vers, l'auteur nous dit, ou Nazim nous dit, وَهُمُ الَّذِينَ بَنَوْا مَنَازِلَ سَيْرِهِ. Ils sont ceux qui ont construit, qui ont bâti leur degré dans cet acheminement, dans ce chemin, dans ce voyage, بين الرجاء والخوف للديان, en étant constamment entre l'espoir et la crainte, en étant constamment entre l'espoir et la crainte. Celui qui adore Allah, il doit toujours être entre la crainte et l'espoir. L'espoir qui va le préserver d'abandonner. L'espoir qui va le préserver de désespérer. L'espoir qui va l'éloigner du désespoir. et la peur qui va l'éloigner du fait de se sentir à l'abri du châtiment d'Allah. La crainte qui va l'éloigner du péché. La crainte qui va l'éloigner de l'insouciance. Donc, c'est bien heureux, ces gens qui empruntent le chemin vers Allah, ces gens qui sont sincères et en conformité avec la sunna du prophète sallam, ils ont peur d'Allah. Et ils espèrent aussi en Allah. Ils espèrent en Allah, mais ils ont aussi peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le croyant, dans toutes ses œuvres, il est ainsi. Il fait des efforts, puis il espère qu'Allah accepte de lui. En même temps, donc quand il se rappelle les noms d'Allah, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Al-Karim, quand il se rappelle les noms d'Allah qui développent l'espoir, il espère en Allah. Qu'Allah accepte de lui, qu'Allah l'agrée, qu'Allah le récompense, il espère tout cela. Quand il se repent aussi, il espère qu'Allah accepte son repentir et lui pardonne et efface ses fautes. De l'autre côté, il est dans la peur d'Allah. Il sait qu'Allah est parfait, donc il mérite la perfection. Il sait que lui, le serviteur, est faible. Donc il a peur qu'Allah n'accepte pas de lui. Car Allah dit dans le Coran, إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. Allah n'accepte que des gens pieux. C'est-à-dire que des gens pieux qui, au moment de faire telle adoration, ont été pieux. Allah accepte que d'eux. Abdullah ibn Saoud, ou bien certains parmi les anciens, disaient, لو علمت أن الله تقبل مني عملا واحدا لتمنيت الموت أو سجلة واحدة لتمنيت الموت. Certains parmi les anciens disaient, si j'avais connaissance qu'Allah avait accepté de moi ne serait-ce qu'une œuvre ou une prosternation, j'aurais espéré mourir suite à ça. Parce qu'Allah dit, il n'accepte que des gens pieux. Allah dit dans le Coran, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Ceux qui font ce qu'ils font, ceux qui dépensent, ceux qui avancent, ceux qui font de bonnes œuvres, ou plutôt ceux qui font ce qu'ils font, en ayant les cœurs en effroi, en ayant peur dans leur cœur, à l'idée de revenir vers leur Seigneur. Aïcha, lorsqu'elle a entendu ce verset, elle a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, Hum alladhina yasriqoun, wa yashrabun al-khamr, wa yaf'alun, wa yaf'alun. Aïcha a dit au messager d'Allah, sont-ils ces gens-là qui ont peur comme ça, de revenir vers Allah, sont-ils ceux qui commettent les péchés graves, le vol, l'adultère, boivent de l'alcool, le meurtre, qui sont-ils? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La yabnat as-siddiq » et lui a dit « Non, ô la fille du très véridique, mais ce sont ceux qui prient, ceux qui jeûnent, ceux qui font les bonnes œuvres. Ensuite, ils ont peur qu'Allah n'accepte pas d'eux. » Allahu Akbar. Ils ont peur qu'Allah n'accepte pas d'eux. Ils font, ils espèrent la récompense chez Allah, ils espèrent l'acceptation d'Allah. Mais, au même moment, ils ont peur qu'Allah n'accepte pas d'eux. Ils ont uni entre la crainte et l'espoir. Ils ont uni entre la crainte et l'espoir. Allah décrit ses serviteurs pieux parmi les prophètes, les messagers et les vertueux. Il les décrit comme ayant ces deux caractéristiques. إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. Ils s'empressaient de faire les bonnes œuvres et nous invoquaient avec désir et effroi. Ils espéraient et ils avaient peur. C'est ainsi que sont les croyants. Ils ne sont pas que dans l'espoir, sinon ils vont faire des péchés, ils vont se laisser aller. Et ils ne sont pas non plus que dans la peur, sinon ils vont désespérer. Mais ils unissent entre ces deux caractéristiques. Et al-raja, c'est tama' fima indallah. Al-raja, c'est le fait de souhaiter, d'espérer les faveurs d'Allah et ceux qui se trouvent auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le serviteur doit être comme, il doit être stable entre la crainte et l'espoir à l'image des deux ailes de l'oiseau. L'oiseau, pour voler, a besoin de ses deux ailes, n'est-ce pas? Pour planer pareillement, il a besoin de ses deux ailes. Et s'il y a une déficience sur l'une de ces deux ailes, il y aura une déficience dans son acheminement. Pareillement pour le serviteur. Il doit avancer vers Allah avec la crainte et l'espoir. Et le serviteur se soigne avec ça. Lorsqu'il voit qu'il se laisse aller dans les péchés, il se soigne avec la crainte d'Allah, la peur. Et quand il voit qu'il désespère, qu'il faiblit dans l'autre domaine, il se soigne avec l'espoir. Mais il lui faut toujours avoir les deux choses. Un jour, le prophète alayhi salatu wassalam a visité un malade sur le point de mourir. Et il lui a dit, comment te sens-tu? Il lui a dit, j'espère en Allah et j'ai peur pour mes péchés. Il lui a dit, sache que personne n'unit entre ces deux choses-là dans cet état sans qu'Allah lui donne ce qu'il espère et le protège de ce qu'il craint. Hein? Donc on doit avoir la crainte et on doit aussi avoir l'espoir. Comment développer ça? En apprenant à connaître Allah à travers ses noms, à travers ses attributs. On doit lire le Coran et le méditer, regarder ce qui est arrivé aux générations passées, aux peuples passés, ceux qui ont obéi à Allah. Allah les a récompensés, il les a secourus, il les a élevés. Mais aussi, qu'est-il advenu de ceux qui ont désobéi aux messagers et ne les ont pas suivis? Allah les a punis. Il en a fait une leçon et un signe pour les gens qui viendront après eux. Donc le serviteur s'avance vers Allah avec ces deux caractéristiques. Wala hawla wala quwwata illa billah. Le quatrième vers. وَهُمُ الَّذِينَ مَلَأَ الْإِلَهُ قُلُوبَهُمْ بِوِدَادِ وَمَحَبَّةِ الرَّحْمَنِ بِوِدَادٍ وَمَحَبَّةِ الرَّحْمَنِ. Ils sont ceux dont la divinité a rempli les cœurs de son affection, ou bien d'affection et d'amour pour le tout miséricordieux. Je vérifie un point dans le poème. وَهُمُ الَّذِينَ مَلَأَ الْإِلَهُ قُلُوبَهُمْ بوداده ومحبة الرحمن بوداده ومحبة الرحمن. Ils sont ceux dont la divinité, c'est-à-dire Allah, un des noms d'Allah, Al-Ilah, a rempli le cœur de son affection et ou d'affection et d'amour du tout miséricordieux. Dans le vers précédent, An-Nadhim ibn Sa'd rahimahullah avait mentionné l'espoir et la crainte. Et nous avons dit que les piliers de l'adoration sont au nombre de trois. Qui est-ce qui nous les rappelle? Qui est-ce qui nous rappelle les trois piliers de l'adoration, de chaque adoration? L'espoir, la crainte et l'amour. Ainsi, dans ce quatrième vers, il nous parle de l'amour. Il nous parle de l'amour. Après avoir mentionné l'espoir et la crainte, ici il nous parle de l'amour. L'amour, c'est le socle de la religion. C'est sa base et son point culminant dans l'ihsan. Et c'est la plus grande des adorations. C'est le moteur qui pousse le serviteur à agir, à avancer. C'est ce qui pousse le serviteur à se soumettre à son Seigneur. L'amour d'Allah. C'est l'âme de l'adoration. C'est cet amour qui fait qu'il obéit à Allah. Et qu'il préfère ce qu'Allah aime à ce qu'il a voulu lui-même. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبَكُمْ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Allah nous dit dans le Coran, sous la traduction des sens de ce verset, dit, si vous aimez Allah, suivez-moi. C'est-à-dire le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. C'est ça le signe de l'amour d'Allah. C'est ça le signe de l'amour d'Allah. Suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le signe de l'amour d'Allah est également de préférer ce qu'Allah a aimé à ce qu'on a voulu nous-mêmes. Donc, efforce-toi d'unir entre ces trois points-là, l'amour, la crainte et l'espoir. Et celui qui médite Sourate Al-Fatiha s'apercevra qu'Allah a mentionné et a fait référence à ces trois choses-là avant de mentionner l'adoration. Cette sourate, je la récite au minimum 17 fois par jour. 17 fois par jour. Donc il nous faut la comprendre. C'est une dua. C'est une manière d'entrer chez Allah pour lui demander Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. Quand tu dis Alhamdulillahi Rabbil Alameen, toutes les louanges reviennent de droit à Allah, Seigneur des mondes. Tu loues Allah pour sa perfection, tu loues Allah pour ses bienfaits. Ainsi ton cœur se remplit d'amour pour Allah. Quand tu dis Alhamdulillah, tu reconnais que tous tes bienfaits viennent d'Allah. Et quand on te donne, ton cœur penche vers celui qui te donne. Ben, tout ce que tu as, c'est Allah qui te l'a donné. Ainsi tu aimes Allah. Tu aimes Allah au plus haut point. Quand tu dis Alhamdulillahi Rabbil Alameen, ton cœur déborde d'amour pour Allah Azza wa Jal. Quand tu dis Ar-Rahman Ar-Rahim, tu médites ces deux noms d'Allah, Ar-Rahman et Ar-Rahim, qui est celui qui a la perfection de la pitié, de la miséricorde. Celui qui a fait miséricorde à ses serviteurs, alors ça développe l'espoir. Puis tu dis Malik Yawmiddin, le roi du jour des comptes, ce jour où tu vas être ressuscité, comparaître devant Allah nu, pieds nus, non circoncis, et on va te questionner sur tout ce que tu as fait, et il n'y aura que deux finalités, le paradis ou l'enfer, et tu vas voir tout ce que tu as fait dans ce bas monde, et il n'y aura plus d'échappatoire, personne ne manquera à l'appel. Celui qui a fait le bien, il trouvera le bien et des hasanat décuplés. Et celui qui a fait le mal, il ne pourra s'en prendre qu'à sa propre personne. Ça développe quoi? Ça développe la peur. Ça développe la crainte. Après avoir dit Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin, à ce moment-là, tu as les trois piliers. Tu rentres chez Allah. Tu adores Allah Azza wa Jal en disant Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons. Et auprès de toi seul que nous recherchons l'aide. C'est ainsi qu'Allah nous éduque dans le Coran à adorer Allah, nous basant sur ces trois piliers dans toutes les adorations. L'amour, la crainte, l'espoir. L'amour, la crainte, l'espoir. L'amour, c'est au plus haut point. Puis la crainte et l'espoir au même niveau. Et il y a des causes qui aident le serviteur à développer son amour pour Allah Azza wa Jal. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala en a mentionné 10 entre autres à la suite. On les mentionnera incha'Allah ta'ala dans un prochain cours. Ensuite, al-Nazim rahimahullah ta'ala nous dit وهم الذين أكثروا من ذكره في السر والإعلان والأحيان. Ils sont ceux qui invoquent ou qui l'invoquent avec abondance ou abondamment, que ce soit en privé, en public ou constamment en permanence. Ici, il nous parle d'une étape, d'un degré de ceux qui empruntent le chemin vers Allah et la demeure de l'au-delà, c'est al-iktharu min dhikrillah. C'est le fait de faire du dhikr, mais avec abondance, d'en faire beaucoup. Donc on a mentionné le fait de délaisser le mal et d'aller vers le bien. On a mentionné le fait d'être sincère en s'éloignant du shirk et de suivre la sunnah en s'éloignant de la bid'ah. On a mentionné l'espoir et la crainte. Sixièmement, on a mentionné l'amour. Et septièmement ici, le fait de faire beaucoup de dhikr. Le fait de beaucoup mentionner Allah subhanahu wa ta'ala. Que tu sois seul en privé, que tu sois en public, ou que ce soit dans ma'adha constamment. Ou que ce soit constamment. Un dhikr, c'est ce qui maintient le lien entre toi et Allah. Il n'y a pas de lien avec Allah par le nom de famille, par la richesse, par la couleur, par l'origine, la noblesse, par le statut social, non. Le lien avec Allah, c'est avec dhikrullah. Le lien avec Allah, c'est avec l'adoration d'Allah. C'est ainsi qu'Allah élève les gens et en rabaisse d'autres. C'est ainsi qu'Allah élève des gens et en rabaisse d'autres. Dans le dhikr, il y a tout le bien. L'apaisement du cœur, le remède pour les maladies et les peines, la dissipation des angoisses et du waswas. Dans le dhikr, il y a énormément de hasanat, l'élévation en degré. Dans le dhikr, il y a une protection contre Shaitan et ses alliés. Le prophète Allah, dans le dhikr, il y a la mention et les éloges d'Allah sur ta personne. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: ne vais-je pas vous informer d'une adoration qui est plus grande et plus pure auprès de votre roi, c'est-à-dire Allah, plus aimé que de dépenser l'or et l'argent, que de dépenser l'or et l'argent, et de faire telle et telle œuvre? Et lui ont dit: certes, au messager d'Allah, informe-nous. Il a dit, yani ça vous élève en degré, c'est plus aimé chez Allah, et beaucoup de choses encore. Le prophète m'a dit, dhikrullah, le fait de faire du dhikr. Il nous a aussi mentionné qu'en faisant du dhikr, on se protège du shaitan. Allah nous dit: fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Évoquez-moi, mentionnez-moi, je vous mentionnerai. Soyez reconnaissant vers moi et ne soyez pas ingrats. Quand toi tu mentionnes Allah, tu mentionnes ton créateur, tu mentionnes ton maître, tu mentionnes celui qui t'a tout donné, celui duquel tu ne peux pas te passer. Et ça, c'est un besoin qu'on a de mentionner Allah. Mais plus étonnant et plus immense que cela, c'est le fait que Allah, le Seigneur des mondes, celui qui n'a aucun besoin, qui a la suffisance absolue, mentionne son serviteur faible et besogneux. Allahu Akbar. Allah te mentionne quand tu fais du dhikr. Allah te mentionne lorsque tu fais du dhikr. Fadhkuruni adhkurkum. Donc on doit mentionner Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour ce faire, il est bon de prendre des petits livrets, des petits livres répertoriant les invocations authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans toute situation. La personne commence à mémoriser le dhikr, par exemple, lorsqu'elle se réveille. Et ce sont des invocations courtes et simples, par la grâce d'Allah. Il met en pratique cela, il étudie le hadith, il comprend le hadith. Puis, il enseigne à son épouse, à son enfant, à son voisin, à son ami, et ainsi de suite. Puis, le lendemain ou deux jours après, il mémorise la dua lorsque il va dormir. Puis, lorsqu'il entre aux toilettes. Puis, lorsqu'il en sort. Puis, lorsqu'il sort de chez lui. Puis, lorsqu'il rentre. Et petit à petit, il verra que c'est très facile. Et qu'il va vivre au rythme de l'invocation d'Allah Azza wa Jal. Et que pour chaque situation, il y a un dhikr. Puis, il y a des situations particulières qui ne font pas partie des choses du quotidien. Comme le voyage. Comme la pluie. Comme il aura aussi sa invocation. Il n'y a pas de mal dans un premier temps à lire du livre directement, et par la suite il mémorisera, inshallah. Il y a les invocations du matin avant le fajr, ou na'am, plutôt du matin avant le lever du soleil, les invocations du soir avant le coucher du soleil, na'am, les invocations réveil, les invocations coucher, et ainsi de suite. Puis il y a le dhikr de manière absolue, de manière générale. Il dit subhanallah, les paroles les plus aimées d'Allah sont nombre de quatre. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tout le monde peut dire ça. Le prophète sallam nous dit, le soleil ne s'est pas levé sur meilleur que... Le prophète sallam nous dit, il n'y a pas meilleur. Ou plutôt, le soleil ne se lève pas sur une chose meilleure que ces quatre paroles. Et il les mentionne. Subhanallah. Ou plutôt, il nous dit exactement: Inna subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, ahabbu ilayya mimma talat alayhi shams. Ces quatre paroles sont plus aimées auprès de moi que tout ce sur quoi le soleil se lève. Subhanallah. Donc il faut beaucoup dire ces paroles. Le prophète sallam nous dit kalimatan khafifatan ala al-lisan thaqilatan fi al-mizan habibatan ar-rahman subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim. Deux paroles. Et ce hadith est le dernier hadith dans Sahih al-Bukhari. Deux paroles légères sur la langue, lourdes sur la balance, aimées du tout miséricordieux. Subhanallah al-azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim. Ô combien sont nombreuses ces belles paroles qui nous rapprochent d'Allah Azza wa Jal. Le prophète alayhi salat wa salam nous dit, celui qui dit subhanallah wa bihamdi 100 fois dans la journée, Allah lui efface tous ses péchés, furent-ils aussi nombreux que l'écume de la mer. Tout ce qu'il y a sur le dessus, na'am, de la mer. La hawla wa la quwwata illa billah, un trésor du paradis. Donc il y a beaucoup de dhikr à dire. La hawla wa la quwwata illa billah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, et ainsi de suite. La meilleure parole prononcée par les prophètes, la ilaha illallah. Donc le serviteur, il fait beaucoup de dhikr. Wa la dhikrullahi akbar. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit de faire du dhikr et d'en faire beaucoup. Udhkuru Allah dhikran kathira wa sabbihuhu bukratan wa asila. Mentionnez Allah de manière abondante. Allah aime voir son serviteur faire du dhikr, aime entendre son serviteur le mentionner. Tu peux faire du dhikr alors que tu es assis, tu peux faire du dhikr alors que tu es allongé, alors que tu marches, alors que tu travailles, wa hakada. Et le niveau le plus haut du dhikr, c'est que ta langue bouge en mentionnant Allah et qu'elle soit liée à ton cœur. Tu vis ce que tu dis. Ça, c'est le plus haut niveau du dhikr. Tu comprends ce que tu dis et quand ta langue bouge, c'est avec le cœur aussi. C'est pas que la langue et le cœur est distrait. Non, c'est d'unir les deux. Ça, c'est le plus haut niveau du dhikr tout en comprenant ce que tu dis, en vivant ce que tu mentionnes. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a écrit un livre qui s'appelle Al-Wabil As-Sayyib. Il a mentionné une soixantaine de mérites, près de 80 mérites du dhikr. Donc je vous oriente vers la lecture de ce livre. Avec le dhikr, tu remplis ton temps de bien. Avec le dhikr, tu dissipes tes soucis, ta tristesse, ton angoisse. Avec le dhikr, Allah t'élèvera au plus haut niveau. Avec le dhikr, Allah te mentionnera. Et avec le dhikr, tu dépasseras les autres. Un jour, le prophète sallam revenait de voyage avec les compagnons, il est passé près d'une montagne. Il a dit, voici telle montagne. Jumdan, si mes souvenirs sont bons. Puis il a dit, sabaq al-mufarridoun. Al-mufarridoun ont dépassé les autres. Qui sont-ils? Al-dhakirin Allah kathira wa al-dhakirat. Ce sont ceux qui mentionnent beaucoup Allah et celles qui le mentionnent beaucoup. Donc avec le dhikr, tu rattrapes et dépasses et les autres. Et toute adoration rentre dans le dhikr. Quand tu fais salat, c'est du dhikr. Quand tu jeûnes, c'est du dhikr. Quand tu lis le Qur'an, c'est du dhikr. Wa hakada. Ensuite, dans le sixième vers, يَتَقَرَّبُونَ إِلَى الْمَلِيكِ بِفِعْلِهِمْ طَاعَاتُهُ وَتَرْكُ لِلْعِسْيَانِ. يتقربون إلى الملك بفعلهم طاعاته والترك للعصيان. طاعاته والترك للعصيان. Il se rapproche du maître avec leurs actions, son obéissance et le délaissement et l'abandon de sa désobéissance. فعل الفرائض والنوافل دأبهم مع رؤية التقصير والنقصان. Faire ce qui est obligatoire ainsi que ce qui est recommandé est leur habitude, tout en voyant leurs imperfections et leurs défauts. C'est-à-dire que parmi leurs qualités et leurs provisions dans ce chemin emprunté pour, vers l'agrément d'Allah et l'au-delà, c'est qu'ils font ce pourquoi Allah les a créés, l'adoration. Ils se rapprochent d'Allah en lui obéissant et en délaissant le péché. Ils mettent en pratique ce qu'Allah a ordonné avant tout. Puis ils complètent en ajoutant ce qu'Allah a recommandé. Et malgré ça, ils ne voient pas d'eux-mêmes là qu'ils sont parfaits. Ils ne pensent pas d'eux qu'ils sont arrivés chez Allah et obtenu son agrément. Non. Mais ils se disent après tout, après toutes ces bonnes œuvres, après ce comportement exemplaire, ils se disent je n'ai pas assez. Ils se disent nous n'avons pas assez fait. Nous n'avons pas parfait cet acte. Allah mérite mieux que cela. Et ils demandent pardon après les bonnes œuvres parce qu'ils ont comme certitude qu'Allah mérite mieux que cela. Ils ont comme certitude que eux n'ont pas assez bien agi et qu'Allah Azza wa Jal mérite encore mieux. Ici, c'est donc le degré de faire ce qu'Allah aime comme obéissance et de délaisser ce qu'Allah n'aime pas comme désobéissance. Ainsi fait partie des provisions de ce chemin le fait de faire des efforts. Le chemin du paradis n'est pas de tout repos. Il faut travailler, il faut agir, il faut se lever, il faut résister, il faut travailler. Le paradis a été entouré des choses que l'âme n'aime pas forcément. Mais l'enfer, lui, a été entouré des choses vers lesquelles l'âme penche. Lorsqu'Allah a créé le paradis, il a envoyé Jibril le voir. Lorsque Jibril est revenu, il a dit « Oh mon Seigneur, personne n'entendra parler de cette demeure sans qu'il n'y entre. » Allah a créé l'enfer, a dit à Jibril de regarder. Jibril a dit « Personne n'aura connaissance de cet enfer, puis y entrera. » Par la suite, Allah a entouré le paradis de choses et l'enfer de choses. Puis il a ordonné à Jibril de retourner voir. Jibril a dit, j'ai bien eu peur que personne n'entre au paradis. J'ai bien eu peur que tout le monde entre en enfer. Lorsqu'il a vu les épreuves pour parvenir au paradis. Et les tentations qui font tomber les gens en enfer. Ainsi, personne n'entre au paradis grâce à ses œuvres. C'est que par la miséricorde d'Allah, son aide et sa miséricorde. Donc il faut agir, il faut travailler. Il faut supporter, il faut faire des efforts et chercher l'aide auprès d'Allah Azza wa Jalla. Et sachez qu'il n'y a pas une chose qui nous rapproche plus d'Allah que ce qu'Allah nous a rendu obligatoire, puis recommandé. Dans le hadith, connu pour hadith al-Wali, on nous dit, dans le hadith Qudusi, « وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي » Et mon serviteur ne se rapproche pas de moi. « بِشَيْنْ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّ افْتَرَدْتُ عَلِي » Mon serviteur ne se rapproche pas de moi par une chose que j'aime plus que ce que je lui ai rendu obligatoire. Ce qu'Allah aime le plus, c'est ce qui est obligatoire. At-tawhid, les cinq prières, le jeûne de Ramadan, la zakat, le jeûne de Ramadan, le hajj, et ainsi de suite. Quand c'est obligatoire, Allah l'aime plus. Puis, le serviteur ne cesse, wa la yazalu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Et le serviteur ne cesse de se rapprocher d'Allah par ce qu'Allah aime, par les actes recommandés, jusqu'à ce que je l'aime. Donc, ce qu'Allah aime le plus, c'est ce qui est obligatoire. C'est ce qui est obligatoire. Puis, ce qui est recommandé. Donc, ce qui est recommandé, Allah l'aime, comme il aime ce qui est obligatoire. Mais il aime plus ce qui est obligatoire. Allah aime te voir prier la prière du Dhuhr. Il aime aussi te voir prier la sunna avant. Il aime aussi te voir prier la sunna après. Allah aime t'entendre lire le Coran, Al-Fatiha dans la prière, ce qui est un pilier, c'est obligatoire. Il aime aussi t'entendre lire Al-Fatiha en dehors de la salat, pour les autres salawat, ou en dehors de la salat. Il aime t'entendre lire le Coran, wa hakada. L'adoration, elle est aimée. Dès que tu sais que c'est une adoration, tu demandes comment le prophète sallam l'a fait, et tu l'as fait. Il ne faut pas faire comme certains. Est-ce que c'est obligatoire? Si c'est obligatoire, elle fait. Si c'est pas obligatoire, elle ne fait pas. Non, Allah aime même ce qui n'est pas obligatoire. Quand tu demandes si c'est obligatoire, c'est pour savoir, par exemple, est-ce que je dois me repentir parce que je ne l'ai pas fait? Est-ce que j'ai le choix de le faire ou de ne pas faire parce que j'ai une autre chose à faire ensuite? Pour voir la priorité. Mais pas pour dire je le fais ou je ne le fais pas. Non, ça te suffit de savoir que c'est une adoration pour le faire. C'est pour ça qu'on a été créé. C'est pour ça que nous avons été créés. Donc ils accordent beaucoup d'importance à ce qu'Allah a rendu obligatoire. Car ils cherchent à se rapprocher d'Allah au maximum. Puis ils complètent avec Al-Nawafil. Al-Nawafil, un des rôles de Nawafil, des actions recommandées, c'est de venir compléter l'imperfection qu'il a eue dans la prière obligatoire, dans l'œuvre obligatoire, dans l'adoration obligatoire. Et c'est pour cela que Yom Al-Qiyamah, les actions seront jugées. Et la première œuvre d'adoration, premier acte sera jugé, c'est la prière. Puis s'il y a des défauts, on dira aux anges, regardez, est-ce qu'il y a des nawafil? C'est avec ça qu'on va compléter, qu'on va venir pallier aux imperfections de cette prière. Donc Al-Nawafil, c'est très important. Aussi, Al-Nawafil, c'est la protection de ton wajib. Parce que quand tu fais un acte obligatoire, si tu faiblis et que tu n'as pas de nawafil, tu vas toucher à quoi? À l'acte obligatoire. Par contre, si tu as le wajibat plus el nawafil, quand tu faiblis, tu vas toucher al nawafil. Et tes actions obligatoires seront préservées. Seront préservées. Bi idhnillahi azza wa jal. Fi'lul fara'idhi wal nawafili da'buhum ma'a ru'yati taqsiri wal nuqsani. Voici leurs agissements. Ils font les obligations, ils rajoutent les actions recommandées. Avec tout ça, ils ont comme opinion d'eux-mêmes qu'ils sont faibles. Ils ont comme opinion d'eux-mêmes qu'ils ont trop de péchés, trop de défauts, et que l'action faite n'est pas assez bien. C'est ça la considération qu'ils ont d'eux-mêmes et de leurs œuvres. Et on a mentionné le verset. وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Ils font, puis ils ont peur à l'idée de revenir vers Allah. Leur cœur tremble, leur cœur sont remplis d'effroi à l'idée de revenir vers leur Seigneur. Ce sont ceux qui font les bonnes œuvres, mais ils ont peur qu'Allah ne les accepte pas. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, disait إِنَّ الْمُؤْمِنَ جَمَعَ بَيْنَ الْخَوْفِ وَالرَّجَعَ. Certes, le croyant a uni, ou plutôt innal mu'min jama'a bayna ihsani wa makhafa wal munafiq jama'a bayna isa'atin wa amn. Certes, le croyant, Al-Hassan al-Basri disait rahimahullah, certes le croyant a uni entre la bonne œuvre et la peur qu'Allah ne l'accepte pas. Et l'hypocrite a uni entre la mauvaise œuvre et la sécurité. Il agit mal et en plus il se voit à l'abri du châtiment d'Allah. Le croyant agit bien et il a peur d'Allah. Abdullah ibn Mas'ud disait Inna al-mu'mina yara dhunubahu ka'annahu tahta jabal yakhafu an yaqa alayhi. وَإِنَّ الْمُنَافِقَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنْفِهِ فَقَالَ هَكَذَا. Abdullah ibn Saoud disait, certes, le croyant voit ses péchés comme une montagne prête à s'abattre sur lui, à s'écrouler sur lui. Ça, c'est le croyant. Et certes, l'hypocrite voit ses péchés comme une mouche qui est venue sur son nez et lui a fait comme ça. Insignifiant. Subhanallah. Donc le croyant doit avoir peur. Il agit bien, mais il n'est pas imbu de sa personne. Il agit bien, mais il ne tombe pas dans l'orgueil et la vanité. Il agit bien, mais il sait que ça vient d'Allah, cette aide-là. Il sait que ça vient d'Allah, cette réussite-là. Il sait que c'est que grâce à Allah. Et que la hawla wa la quwwata illa billah. Il ne se vante pas. Il est humble. Plus il fait, plus il est humble. Parce qu'il sait que c'est grâce à Allah. Et il est reconnaissant vers Allah. Il remercie Allah pour ses œuvres. Il demande à Allah de l'affermir sur la vérité. Et il fait dua pour qu'Allah le protège de l'égarement. Et parmi les du'as du prophète, sallam, ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala ta'atik. Le prophète, sallam, demandait beaucoup à Allah, oh toi qui détiens, oh toi qui tournes les cœurs, oh toi qui tournes les cœurs, affermis mon cœur sur ton obéissance, sur ta religion. Umm Salama radiallahu anha lui dit, ya Rasulallah, très souvent je t'en entends faire cette du'a, est-ce que tu as peur? Il dit, mais comment pourrais-je ne pas avoir peur alors que les cœurs sont entre eux? Deux doigts de la main du tout miséricordieux, il les tourne comme il le veut. Le musulman, il doit avoir peur parce qu'il sait que les causes pour s'égarer sont multiples, sont nombreuses. Et il sait que cette religion, elle est une et que son Seigneur est un. Et s'il perd cette religion, il n'y a pas une autre qui pourra la remplacer. Il peut tout perdre, de toute chose, il y a un remplacement. Mais s'il perd Allah Azza wa Jal, personne ne pourra remplacer cela. Donc il a peur de perdre ça. Il a peur de perdre l'aide d'Allah et son assistance. Et si Allah abandonne le serviteur, si Allah l'abandonne à sa propre charge, il périt. Il périt. Et chaque jour nous disons ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih sha'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ayn. Ô toi le vivant, celui qui subsiste par lui-même et sans lequel personne ne peut subsister, réforme toutes nos affaires et ne nous abandonne pas à notre propre charge, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Le temps d'un clin d'œil. Le serviteur ne peut pas se passer d'Allah Azza wa Jal. C'est pour cela qu'il faut avoir peur. Le musulman agit, il a peur qu'Allah n'accepte pas de lui. Le musulman agit, il a peur qu'on ne l'aide pas pour la suite, pour faire encore. Il a peur de délaisser le bien, il a peur de s'égarer, et ainsi de suite. Pour tout cela, il compte sur Allah. Pour tout cela, il compte sur Allah, il abandonne son affaire à Allah, et il demande l'aide et l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est l'excellence. Tu fais le bien, tu fais les obligations, puis les actes recommandés. Et avec ça, tu te vois pas dans l'excellence. Tu te vois dans l'imperfection. Ça va te protéger de deux graves maladies. La vanité, le fait d'être imbu de sa personne, et ça va te protéger de la paresse. De la paresse. Donc on doit connaître la valeur des nawafil, et encore plus la valeur des wajibat. Celui qui fait le nawafil dans sa jeunesse, Allah le préserve quand il aura atteint un âge avancé pour les préserver. Par contre, celui qui attend d'avoir atteint l'âge avancé et il commence les nawafil, il va trouver que c'est lourd parce que son âme n'a pas pris l'habitude. Or, celui qui avait l'habitude de prier la nuit étant jeune, quand il sera âgé, ça sera pour lui très simple. C'est pour cela qu'aujourd'hui, certains s'étonnent. Ils sont jeunes, dans la force de l'âge, ils n'arrivent pas à faire des actions que des personnes âgées, faibles, font sans en apparence subir cette action. Mais avec plaisir, avec délice. Pourquoi? Parce que pendant 30 ans, il a soigné son âme avec. Il a fait se soumettre son âme à dans cette adoration-là. Il lui a obligé à faire cette adoration-là. Ben maintenant qu'il a pris de l'âge, Allah lui permet de se délecter dans cette adoration-là. Allah lui permet de prendre du plaisir dans cette adoration-là. Dans le siyam, dans le salat, dans le qiyamul layl, dans l'umra, dans le hajj, dans le sadaqa, et ainsi de suite. C'est pour cela que il faut commencer tôt l'adoration. Il faut s'entraîner tôt pour que, après avoir atteint un âge avancé, celle-ci nous soit facilitée et malléable. Ah. Hafsa bint Sirin disait: Ya ma'ashara al-shabab, istakthiru min al-ibada, fa inna al-ibadata fi al-shabab. Hafsa, la fille d'Ibn Sirin, disait: Ô vous les jeunes, faites beaucoup d'adoration, car certes l'adoration c'est dans la jeunesse. C'est-à-dire de prendre cette habitude dans la jeunesse pour pouvoir être fort au moment Mada, où on sortira de cette jeunesse. Nous arrêtons sur le huitième vers et on poursuivra inshallah ta'ala après la prochaine prière. Wa sallallahumma wa barak ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اشف مرضانا أرض المسلمين اللهم اشف مرضانا أرض المسلمين اللهم أصلح زوجاتنا وذرياتنا وآباءنا وأمهاتنا يا رب العالمين واعف عنا يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك